Chapitre 13e, l'enquête du marquis. Le marquis de Kerdal, en arrivant à Paris, se fit conduire sur le champ à son ancien hôtel de l'avenue Gabriel. Il eut peine à le reconnaître, tant il était transformé. Sa première impression fut tout entière à l'admiration. Mais ce sentiment admiratif se refroidit bientôt lorsqu'il songea au monceau d'or que son neveu avait dû engloutir dans ses embellissements. Le Suisse qui lui ouvrit, un grand gaillard au torse herculéen, l'arrêta au passage et lui demanda son nom. Le gentilhomme breton, qui, on le suppose facilement, n'était pas dans ses jours de belle humeur, le regarda de travers, trouvant de la suprême impertinence qu'il se permit de lui adresser une semblable question. « Rentre dans ta niche, drôle !» lui répondit-il d'un ton cassant. « Ai-je l'air d'un malandrin? Et ne devines-tu pas qui je suis ?» L'accent superbe et surtout les paroles du marquis auxquelles il ne comprenait rien produisirent un tel effet sur le préposé au cordon qu'il se retira à reculons et rentra précipitamment dans sa loge. Demeuré maître du terrain, le marquis monta l'escalier, traversa le vestibule sans rencontrer personne et se rendit à sa chambre. En la retrouvant telle qu'il l'avait laissée, il se crut rajeuni de quelques lustres. Il se jeta sur son divan, alluma un cigare, puis sonna un triple carillon. Un valet de pied accourut tout effaré, ouvrit la porte et demeura stupéfait, la bouche béante, en voyant un inconnu assis sans façon sur le divan et envoyant dans l'air des spirales de fumée. « Pedro Diaz est-il ici ?» lui demanda brusquement le marquis. Le domestique, dont la langue semblait paralysée, répondit par un mouvement de tête affirmatif. « En ce cas, file vite et préviens-le que je l'attends. » Le domestique, qui n'était pas revenu de son ébaubissement, fit un signe analogue au premier et sortit rapidement sans avoir prononcé un mot. Quelques instants plus tard, le texien entrait. « Monsieur le marquis, » s'écria-t-il, « il paraît que mon coquin de neveu a fait des siennes. Hamelin m'a tout raconté, mais ce digne tabellion est pessimiste par état et par tempérament. Il voit une poutre là souvent où il n'y a qu'un fétu. Dites-moi, n'a-t-il pas exagéré? Le duc est-il aussi ruiné qu'il le prétend ?»« Complètement ruiné, monsieur le marquis, et de plus, il doit 200 000 francs. » Ici, quelques lignes illisibles, je reprends un peu plus loin. « Mais comment avez-vous découvert tout cela? Mon neveu n'a pas dû vous mettre dans la combine. »« Oh non! Eh bien alors? » Le complot s'est tramé pendant la nuit. La créole avait donné une grande soirée dans son hôtel qui touche à celui-ci, et à 2 heures du matin, elle est venue trouver monsieur le duc. Mais qui lui a ouvert la grille? Elle n'est pas entrée par la grille. Par où diable alors? Par les fenêtres? Par la porte secrète de communication? Hein? Quelle porte de communication? Celle qui est cachée dans la boiserie du cabinet de travail de monsieur le duc. De son cabinet de travail? Monsieur le marquis ne la connaissait pas? Non, morbleu! Si monsieur le marquis veut venir avec moi, je vais la lui montrer. Oui, certes, je le veux, et tout de suite. Pedro Diaz et le vieux gentilhomme breton sortirent de la chambre et passèrent dans le cabinet de travail du bâtard de Clodion. Là, le marquis de Kerdal put se convaincre de l'exactitude des renseignements du texien. Je comprends. « Mais comment avez-vous pu être instruit de ce qu'ils avaient tant d'intérêt à tenir caché ?»« Par là, » répondit Pedro Diaz en levant la main vers la partie supérieure du cabinet de travail de José. « Comment par ce plafond ?»« Derrière cette rosace que vous apercevez, monsieur le marquis, il existe une ouverture, et c'est par cette ouverture que j'ai tout vu et tout entendu. » L'oncle de Fernand n'avait plus rien à apprendre. Il savait à quoi s'en tenir sur le compte de son neveu. Il ne lui restait plus qu'à mettre fin à son intrigue scandaleuse et ruineuse avec la créole. Mais la chose n'allait pas d'elle seule. Tous les jours, des jeunes gens de grande famille se ruinent et se brûlent même la cervelle pour des coquines que la loi ne peut atteindre. Un seul espoir lui restait, c'était que la prétendue Madame de Sanlouco avait eu des motifs sérieux pour changer de nom et que son passé n'était pas vierge de tout démêler avec la justice française ou étrangère. Le cas échéant, il la voyait claquemurée dans une prison ou tout au moins expulsé de France. Toutefois, il lui fallait quelqu'un pour le piloter dans l'enquête qu'il se proposait de faire sur la situation exacte de Madame de Sanlouco. Mais à qui s'adresser? Relégué depuis bon nombre d'années au fond de son vieux château breton, il avait perdu de vue tous les joyeux compagnons de sa jeunesse. Les uns étaient morts, les autres s'étaient, comme lui, mis au vert dans leur gentilhommière provinciale. À force de se creuser le cerveau, et il finit par se rappeler qu'un de ses compatriotes et amis de collège, le baron de Penouette, venait passer tous les ans quelques mois à Paris depuis qu'il avait donné sa démission de conseiller d'État. « J'ai trouvé !» se dit-il. Il sortit de l'hôtel de l'avenue Gabriel et se rendit à tout hasard à la demeure du baron. Le baron était chez lui. Le marquis de Kerdal escalada les deux étages de l'ex-conseiller d'État avec la prestesse habituelle au grand chasseur. Il sonna, un domestique ouvrit, il lui donna son nom et il fut introduit aussitôt. « Toi, dans notre moderne Altène, et par quel miracle ?» lui dit son vieux camarade de classe après l'avoir embrassé cordialement sur les deux joues. Le marquis lui apprit en quelques mots ce dont il s'agissait. « Aussi n'est-ce pas ton concours personnel que je réclame ?» reprit le marquis, « mais ton ancienne position t'a créé des relations dans les sphères officielles et tu dois connaître le préfet de police. » « Tu voudrais le faire intervenir dans les affaires de ton neveu ? Il ne s'agit pas ici de mon neveu, mais de l'aventurière qui l'a ensorcelé et qui pisait ruiné. » « Ça, c'est autre chose. Et je suis tout à ta disposition. Je connais non pas le préfet de police actuel, qui est tout nouvellement en fonction, mais le directeur de la Sûreté publique, un charmant garçon, et je te conduirai près de lui le jour qui te conviendra. Demain, si tu veux. Demain, c'est entendu. Mais as-tu déjeuné ? Ma foi, non. » « J'allais me mettre à table, on ajoutera un couvert, et nous déjeunerons ensemble. » Le lendemain, à midi, lancé conseiller d'État, le marquis de Kerdal se rendait auprès du directeur de la Sûreté. Le baron de Penouette fit passer sa carte et ils entrèrent sur le champ. Le marquis exposa brièvement le motif qui l'amenait. « J'ai plusieurs fois entendu parler de cette créole qui se fait appeler Madame de Saint-Loco, » dit le haut fonctionnaire. « C'est une des femmes les plus élégantes de Paris. » On vante beaucoup ses faits dans le monde des plaisirs et nous allons savoir s'il a un dossier chez nous. » Il frappa sur un timbre et un huissier entra. « Portez ceci au chef du deuxième bureau, » dit-il en lui remettant une note qu'il venait d'écrire. Au bout de 10 minutes, l'huissier rapporta la note avec ces mots écrits au bas. « Nous n'avons rien de relatif à cette étrangère. » Le marquis de Kerdal ne put se défendre d'un mouvement de désappointement. « Rassurez-vous, monsieur le marquis, et revenez dans 3 jours, lui dit le directeur. Vous saurez tout ce qu'il vous importe de connaître au sujet de cette dame. » Cette réponse ramena le sourire sur les lèvres du gentilhomme breton, et il prit congé du directeur après l'avoir vivement remercié. Le lendemain de la visite du marquis de Kerdal, le directeur de la Sûreté publique mettait en campagne un de ses plus habiles agents afin de se renseigner sur le compte de Madame de Saint-Loco. Cet agent était un certain Léonce de Folfeuille, poète au jour de sa jeunesse, et qui avait conservé de ses maribaudages avec la muse un air rêveur qui n'était qu'un piège de plus pour ceux qu'il avait mission de percer à jour. Voici en résumé les points saillants du rapport qu'il adressa à son chef de file. Madame de Saint-Loco est une grande dame de comédie. C'est une créole débarquée en France avec quelques milliers de dollars, gagnée on ne sait comment, mais en tout cas d'une façon peu catholique. Elle est, au vu et au su de tout le monde galant, la maîtresse du jeune duc de Clodion qui s'est ruiné et endetté pour elle. Tout récemment, cette aventurière s'est énamourée d'un certain vicomte de Livran, ex-chanteur dans un café-concert des Champs-Élysées, qui mène aujourd'hui un assez grand train et auquel on ne connaît aucun bien au soleil. Lorsque, 3 jours après sa visite au directeur de la Sûreté publique, le marquis de Kerdal se présenta de nouveau, ce haut fonctionnaire lui donne la lecture du rapport de l'agent Léonce de Folfeuille. « Vous le voyez, monsieur le marquis, » dit-il. Quand le gentilhomme breton eut pris connaissance de cette note, l'effet qui s'élève à la charge de cette madame de Saint-Loco échappe à toute poursuite judiciaire. Mais on aura les yeux sur elle, et le cas échéant, on ne l'aménagera pas. Le marquis de Kerdal n'avait appris qu'une seule chose qu'il ignorait. C'était la liaison récente de la créole avec un vicomte, ex-chanteur d'un café-concert, et il comptait bien s'en faire une arme de plus pour contraindre son neveu à rompre avec cette indigne créature.